Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 29 août 2022. Voici les grands titres de cette édition. La hausse des prix du transport et des denrées alimentaires sont les défis auxquels font face certains habitants de Kayanza pour rendre visite à leurs parentés incarcérés à la prison centrale d'Ngozi. Vous l'entendrez. Avec notre correspondant à Kayanza, le ministère des Finances organise une retraite de 3 jours en Ngozi à l'endroit des gestionnaires des budgets des différents ministères et institutions. Les coups et blessures que subissent des femmes et filles burundaises qui travaillent dans les pays du Golfe, le travail non rémunéré, sont des formes de violence qui les forcent à rentrer bredouille. Vous l'entendrez également. En actualité internationale, 50 ans après la dernière mission Apollo, les États-Unis retournent vers la Lune. À Cap Canaveral, en Floride, la NASA a lancé le compte à rebours. La première méga fusée du programme Artemis doit décoller ce lundi matin. Et puis, toujours dans l'actualité africaine, l'Angola a fait ses adieux solennels à l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Les funérailles nationales se sont déroulées ce dimanche à la Praça da República, un lieu historique de la capitale Luanda, à l'occasion de ce qui aurait été le 80e anniversaire de l'ex-chef de l'État. Voilà pour le sommaire. Bonjour, les ministres de l'Intérieur avec celui de la Justice ont lancé ce matin à Gitega les activités liées aux élections des médiateurs des collines et ceux des quartiers. Ces élections auront lieu le 6 septembre prochain. Je venais de vous le dire, la hausse des prix du transport et ceux des denrées alimentaires sont certains défis auxquels font face certains habitants de Kayanza pour rendre visite à leurs parentés incarcérés à la prison centrale de Ngozi. Ils demandent aux services habilités de fixer des prix du transport qui restent élevés même quand les conducteurs se sont approvisionnés en carburant aux stations-service. Patrick Nsengiyumva. Certains des habitants de la commune et province Kayanza qui disent qu'ils éprouvent d'énormes difficultés à rendre visite à les leurs incarcérés aux prisons centrales d'Ngozi indiquent qu'ils peuvent même passer une année et plus sans s'y rendre faute de moyens financiers, explique-t-il. Ils regrettent que ces membres de leur famille emprisonnés en Ngozi souvent s'insurgent contre eux, les accusant de ne plus prendre soin d'eux comme c'était le cas ces dernières années. En plus de la hausse des prix des denrées alimentaires qu'ils offriraient à ces prisonniers membres de leur famille, ils indiquent que les prix des tickets de transport ont grimpé passant de 4 000 à plus de 10 000 pour le trajet Ngozi-Kayanza aller et retour. Ces habitants de Kayanza et Alélère emprisonnés au réseau central d'Ngozi demandent aux services en charge de la fixation des prix de transport de suivre de près la spéculation qui s'observe chez pas mal de conducteurs qui haussent des prix de transport sous le prétexte de s'approvisionner en carburant au marché noir, ce que les passagers refusent. Ils demandent également aux chargés du secteur judiciaire l'amélioration de leurs prestations comparativement à la situation qui prévalait dans ce domaine ces derniers jours, ajoutait-il. Gabin Dikulio, commissaire provincial de police à Kayanza, salue le fait que le cachot de commissariat de police en cette province, qui a une capacité d'accueil de 100 prisonniers, n'est plus dépassé par le surnombre de ces personnes, comme il en était le cas ces dernières années. Cette autorité policière à Kayanza demande au service de la justice en cette province de continuer à cette même lancée. Depuis Kayanza, Patrick Sengiva pour la radio Isangani. Merci Patrick. Permettre aux gestionnaires des budgets des différents ministères et institutions de se sentir à l'aise en adoptant la nouvelle pratique du budget programme. C'est ce qui a poussé le ministère des Finances à organiser une retraite de 3 jours à Ngozi, à l'endroit de ces derniers. Le ministre Domitien Ndihokubwayo indique que ce nouveau système est rassurant par rapport à l'ancien et promet une solution rapide chaque fois que survient un grand problème au cours de l'exécution des programmes. Le ministre des Finances a indiqué néanmoins que ce sont les programmes prioritaires déjà présentés qui seront d'abord mis en avant. Suivez-le au micro de notre correspondant Ngozi, Apollinaire Mutsagara. La gestion de budget, c'est un exercice qu'on fait chaque année, mais on doit aussi s'adapter au moment, on doit aussi s'adapter aux politiques publiques qui sont en place. Donc le Burundi aussi a voulu changer de budget moyen vers le budget programme, parce qu'il avait constaté qu'avec le budget moyen, il y a risque de perte de moyens qui ne sont pas utilisés pour réaliser des investissements, alors que ce sont des investissements qui permettront à l'avenir de pouvoir booster l'économie. Mais aussi, c'est un exercice ou une pratique qui existe dans les autres pays, et nous nous sommes inspirés aussi des autres pays qui ont mis en pratique. Nous avons constaté aussi qu'il y a une plus-value en mettant en œuvre les budgets programmes. Donc cette année, c'est une année, je dirais, une année transitoire où nous allons réellement observer tous les défis que nous allons rencontrer. Vous savez, comme on le dit en Kirundi, quand on fait un exercice pour la première fois, ce n'est pas toujours évident que la réussite soit évidente. Il est tout à fait évident qu'il y ait des gestionnaires qui aient des inquiétudes. Je dis que ce sont des inquiétudes, mais au niveau du ministère des Finances, nous ne trouvons aucun problème à faire le déblocage des fonds si jamais on voit très bien que l'activité qui doit être exécutée figure dans le PTBA, le plan de travail et de budget de son ministère ou de cette institution, mais que aussi toutes les procédures ont été suivies afin que le déblocage ait lieu. C'était Domitien Diokougayo, ministre en charge des Finances. Les coups et blessures que subissent des femmes et filles burundaises qui travaillent dans les pays du Golfe, le travail non rémunéré, voilà les quelques formes de violence dont elles sont victimes. Celle de la province de Lomongue est rentrée au pays, avoue avoir préféré rentrer bredouille. De son côté, Maître Prime Mbarwukeye, président de l'organisation qui lutte contre les crimes transnationaux, ajoute que ces violences impactent négativement les étapes psychologiques des victimes. Omer Douayo. Travailler entre 18 et 22 heures est le plus grand défi auquel font face les Burundaises. Parfois, elles sont battues par leurs patrons. Les maisons des Arabes sautent en étage. Tu dois assurer la propriété de ces maisons seules. Tu te réveilles 5 heures du matin pour dormir après 18 heures ou 20 heures, c'est-à-dire 3 heures du matin. Lorsque je suis tombée malade un jour, mon patron m'a négligé de m'acheminer à l'hôpital pour avoir des soins. Il m'a fait un comprimé de paracétamol alors que je me sentais très mal. Pas de repos là-bas. Un des parents fait savoir que son enfant a dû fuir pour échapper aux violences physiques dont elle était le sujet. Maître Mbarwukeye, président de l'association NLCT, luttant contre la traite des êtres humains, dit que parmi celles qui se sont confiées à cette organisation, deux d'entre ces femmes avaient subi des traumatismes physiques et psychologiques. Il y en a même qui sont revenus étant paralysés à cause des abus sexuels connus. La victime, nous l'avons accueillie et nous nous sommes occupés des soins pour que vraiment elle puisse recouvrer sa santé. Il y a un autre cas que nous avons quand même assisté, un autre cas où une fillette burundaise est revenue de Oman ayant les nerfs suffisamment tendus, gonflés, jusqu'à même à claquer à cause du travail forcé, travail assidu qu'il a effectué dans ces pays. Parce que les Arabes dorment surtout la journée et ils travaillent la nuit. Au moment où il dort la journée, le travail lui continue de travailler la journée et la nuit. Ce n'est que pendant la nuit que les patrons là-bas se lèvent pour commencer à travailler parce que dans ces pays, il fait suffisamment chaud, alors il préfère travailler la nuit. Le travail lui, il est suffisamment attiré au travail, donc 24 heures sur 24 pour satisfaire justement aux exigences de son patron. Raison pour laquelle la plupart d'entre eux reviennent étant dans une situation très déplorable. Selon lui, à côté de ses accords sur l'échange de main d'œuvre, le Burundi devrait ratifier d'autres conventions y relatives afin de garantir le respect des droits des Burundais œuvrant à l'étranger. Omer Ndouayo et le président de la commission Vérité et Réconciliation demandent aux responsables des confessions religieuses de revoir une nouvelle méthode de prédication durant les célébrations liturgiques, car ils sont devant des personnes ayant des blessures suite aux différents événements qui ont endeuillé le Burundi. Pierre Claverne Italier l'a dit ce lundi à Ngozi lors d'une rencontre avec les prêtres du diocèse catholique de Ngozi pour leur informer des réalisations de cette commission de 2019 à 2022. Pierre Claverne Italier leur a demandé d'éduquer leurs croyants à la vérité et à la justice à travers différentes célébrations liturgiques. Il est 13h06 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal, 67 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés les deux premiers trimestres de l'année scolaire écoulée dans la province de Bururi. C'est au moment où depuis les deux dernières années, on enregistrait plus de 100 cas de grossesse chaque année en milieu scolaire. Et parmi les auteurs de ces grossesses figurent certains employés des entreprises de construction du barrage hydroélectrique Jiji Mouremgué et ceux du chantier de construction de la route Bururi-Gitega, dont deux personnes sont locataires de la prison de Bururi. Des séances de sensibilisation pour éradiquer ce phénomène ont été déjà mises dans le plan d'action annuel de la direction provinciale de l'enseignement à Bururi. Les précisions de notre correspondant Zenon Zambiman. Ces 67 cas d'abandon scolaire suite aux grossesses précoces ont été enregistrés uniquement au cours des deux premiers trimestres de l'année scolaire écoulée, celle de 2020-2021. La direction provinciale de l'enseignement à Bururi était la plus touchée par ces grossesses en milieu scolaire, où on a enregistré 110 cas d'abandon scolaire suite aux grossesses. Certains des motards, certains des enseignants et certains des élèves garçons sont parmi les auteurs de ces grossesses. À cela s'ajoutent certains des employés des entreprises de construction du barrage Jiji Mouremgué et ceux du chantier de construction de la route nationale numéro 16 Bururi-Gitega, comme l'a souligné Jean-Claude Sengiyumva, conseiller chargé du personnel à la direction provinciale de l'enseignement à Bururi. Simeon Niyamahoro, représentant provincial de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, fait savoir qu'ils ont déjà enregistré beaucoup de cas dans ces chantiers, dont un cas d'une jeune fille de la commune d'Orotovu qui a été violée au chantier de construction de la route Bururi-Gitega. Toutefois, il s'allie que les présumés auteurs de ce viol ont été arrêtés et sont depuis le mois de juin de cette année dans la prison de Bururi. La direction provinciale de l'enseignement à Bururi, de même que les autorités administratives de la province de Bururi, se disent très préoccupées par ces cas de grossesse en milieu scolaire et sont déjà à l'œuvre pour les éradiquer. La direction provinciale de l'enseignement à Bururi demande à toute personne capable de s'impliquer pour éradiquer ces cas de grossesse en milieu scolaire. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Actualité internationale. Ouvrons la rubrique internationale de ce journal avant la chronique sport et la revue de la presse régionale. Le Gabon accueille la semaine africaine du climat à partir de ce lundi 29 août à Libreville jusqu'au 1er septembre, co-organisée par les Nations Unies et l'Union africaine. La rencontre de Libreville regroupera des dirigeants et représentants de la société civile. Et selon l'ONU Climat, ce sommet est une étape clé avant la COP27, la conférence sur les changements climatiques prévue en novembre en Égypte. Et l'Angola a fait ses adieux solennels à l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Les funérailles nationales se sont déroulées dimanche à la Praça da República, un lieu historique de la capitale Luanda, à l'occasion de ce qui aurait été le 80e anniversaire de l'ex-chef de l'État. Étaient présents le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi et le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. La cérémonie a été contestée par certains de ses enfants en désaccord avec l'organisation des obsèques de leur père. Le jour de son anniversaire, l'absence de ses filles aînées a été un trait dominant de la cérémonie. Décédé le mois dernier, l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos a régné près de 4 décennies sur ce pays. Et hors du continent africain, 50 ans après la dernière mission Apollo, les États-Unis retournent vers la Lune. À Cap Canaveral, en Floride, la NASA a lancé le compte à rebours. La première méga-fusée du programme Artemis doit décoller ce lundi matin aux alentours de 8h33 heure locale. Ce premier vol, le test, ne sera pas habité, mais l'objectif pour les Américains est de renvoyer des astronautes sur la Lune en 2025. Et cette fois-ci, ce sera d'y rester. Radio Isanganiro, chronique sport. Les terrains synthétiques deviennent très chauds pendant la saison sèche, raison pour laquelle ils doivent être entretenus régulièrement pour faciliter le déroulement du jeu. Charles Nimhagalitse, expert dans l'entretien des terrains à gazon artificiel, fait savoir que des fusées lancées lors des cérémonies officielles sont parmi les destructeurs de ces terrains. Les détails avec Marie-Claire Cazenet. Le terrain à gazon artificiel devient très chaud pendant la saison sèche, ce qui ne facilite pas le déroulement du jeu. Explication d'un expert en entretien des terrains à gazon artificiel, Charles Nimagalitse. Pendant la saison sèche, il est trop chaud. D'où leur usage s'impose. Il devient mal entretenu, il devient dur et les joueurs auront tendance à glisser car les crampons n'entrent plus dans les granulats et de surcroît, le ballon sera trop rapide, donc difficile à contrôler. Pour le drainage, il faut considérer le gazon artificiel au-dessus, qui est au-dessus du niveau du sol. Deux, considérer également la structure de base et l'eau collectée dans les environs du stade. Pour le drainage vertical, il est facilité par la perméabilité des perforations dans la structure de base. Il précise que le terrain à gazon synthétique assure le maintien de la performance et la rentabilité du terrain. L'entretien du gazon artificiel assure le maintien des performances le plus longtemps possible et garantit la rentabilité du terrain pendant sa durée de vie. Un terrain à gazon artificiel mal entretenu aura une vie nettement plus courte et des caractéristiques de jeu sérieusement dégradées. Les joueurs seront gênés par l'irrégularité de la surface et frustrés de ne pas parvenir à contrôler le ballon à la trajectoire imprévisible. Le fabricant du gazon artificiel doit délivrer au personnel qui en prend la livraison une formation appropriée et suffisante pour lui permettre d'en assurer les travaux d'entretien et de réparation. Il doit aussi fournir aux propriétaires du gazon synthétique l'équipement nécessaire pour ce travail, pour l'entretien et la réparation. Cet équipement est à la charge du fournisseur. Charles-Denis Magalité indique que ces terrains matériaux qui entrent dans la composition d'un terrain doté d'un gazon synthétique sont inflammables dans des conditions extrêmes. Certains matériaux qui entrent dans la composition de ce gazon sont inflammables dans des conditions extrêmes. Lors de certaines cérémonies, des fusées peuvent être lancées sur un terrain de jeu. Or, la température de combustion de ces fusées peut atteindre 2000 degrés Celsius, ce qui est largement suffisant pour enflammer des matériaux synthétiques et ainsi endommager le terrain. Cela étant, il est recommandé de disposer d'un personnel de terrain formé prêt à intervenir pour éteindre instantanément tout projectiles enflammés lancés sur le terrain de jeu afin de limiter les dégâts. Pour bien entretenir ces terrains à gazon artificiel au Burundi, Charles demande aux dirigeants de la Fédération burundaise de football, FFB, d'organiser beaucoup de formations relatives pour l'entretien de ces terrains synthétiques. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Albert Ndouayo. Un très bon après-midi. Au revoir. Jean Bosco, Douimane. Actualité régionale. Bonjour à vous tous qui nous suivez. C'est le moment de suivre l'actualité régionale. Le journal de Monitor de l'Ouganda écrit sur la loi qui criminalise les enfants qui flânent dans les lieux publics, qui mendient ou sollicitent, vendent ou colportent et interdit la vente d'alcool et de drogue aux enfants. En outre, la loi exige que toute personne qui contrevient à la loi soit emprisonnée pendant 6 mois ou paye une amende de 2 points de monnaie, environ 40 000 shillings. Un point de devise équivaut à 20 000 shillings. L'essentiel de l'ordonnance est qu'elle interdit aux enfants de se livrer à des activités de travail telles que l'exploitation de carrières, la collecte et la vente de ferraille, la vente de nourriture, le colportage des marchandises générales, la fréquentation des bars ou des restaurants. La loi interdit également l'emploi d'enfants en tant que domestique, travailler dans la cuisine et dans un restaurant et tout travail qui interdit à un enfant de suivre des programmes éducatifs de base. Et le journal de la Tanzanie, Mwananchi écrit sur les entreprises tanzaniennes qui obtiennent un signe de tête pour importer des matières premières pour les produits dérivés en franchise de taxes. Dans un avis juridique signé par la présidente du Conseil des ministres de la communauté est-africaine, Betty Maina, les entreprises peuvent désormais importer à 0% pendant un an des matières premières et des intrants pour la fabrication des produits métalliques. Parmi les produits finis que les entreprises veulent importés à 0% figurent les clous, les électrodes de soudage, le fil et le treillis métallique. Une remise de droit d'importation est approuvée pour la Tanzanie pendant 12 mois afin d'appliquer un taux de droit de 0% pour les fabricants spécifiés sur les matières premières et les intrants pour les fabricants des produits métalliques, a déclaré Madame Maina, secrétaire du cabinet kenyan pour le commerce et la communauté est-africaine. Et le journal de East African écrit sur la terrible sécheresse qui frappe la corne de l'Afrique, la pire depuis 40 ans, risque encore de s'aggraver selon les dernières analyses du Centre de prévision climatique régional de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. La saison des pluies qui va d'octobre à décembre est particulièrement cruciale pour la corne de l'Afrique. Elle apporte habituellement jusqu'à 70% des précipitations annuelles dans certaines régions comme par exemple dans l'est du Kenya. Mais les prévisions sont une fois de plus mauvaises. Pluie tardive et en quantité moindre. Et en fait, le journal Actualité CD de la République démocratique du Congo écrit sur le vaccin contre la COVID-19 à Ituri. Au total, 147 000 personnes seulement ont été vaccinées sur plus de 600 personnes attendues à cette campagne. 147 000 hommes et femmes, alors que le seuil attendu pour les adultes est de 660 000 personnes. Cette campagne concerne les personnes majeures et se déroule dans des structures sanitaires. C'est par ici que nous mettons un point final à cet avis de la presse régionale à représentation Jean-Marie Mayonga. Au revoir. Actualité régionale.